je peux utiliser les feux de position seuls. Réponse A. Les feux de croisement. Réponse B. Les feux de route. Réponse C. Les feux de brouillard avant. Réponse D.